Coé et Manu dans 6-9 sur Énergie. C'est vrai que sur Énergie, bon réveil tout le monde, un petit peu plus de 4h, on est mardi aujourd'hui, j'espère que tout va bien. On va écouter 3 cafés gourmands, Sean Paul et Big Flo et Oli. Voilà la playlist Énergie d'en route pour taquer la journée. Puis ensuite c'est le meilleur de Mickaël, ça 23h tous les soirs en direct. Et puis bah là on a parlé site coquin, écoutez c'était sur Énergie. Et puis on se fait d'abord les appels bienveillants et une information très importante. Selon le site Slate, la nouvelle catégorie qui cartonne sur les sites porno, Amina, à ton avis est... Disney. Non, ben oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est ça, non, alors là. T'imagines Minnie qui se fait claquer les fesses. Ça va pas. Il y a des dessins animés comme ça. Oui, mais bon, là, c'est scandaleux le lien que tu viens de faire, Amina. Ah ouais, j'aurais honte à ta place. Bah, non, mais j'ose espérer que les gens, peut-être, ça s'agisse un peu et voient les choses différemment. Attends, on avait vu une catégorie de malades, la chatouille. Vous vous rappelez? Ouais. Chatouille, c'est un succès de ouf hein, sur les sites. Ouais. Bon. Bah, oui, c'est vrai. Ouais. Bah, donc, je ne sais pas. Ouais, bah, ce sont trans et shemail. Ah bah c'est vrai. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus d'adeptes des hommes transformés, mais qui ont gardé toutes les options. Voilà. Oui, voilà. Voilà, après, on comprendra qui veut comprendre et qui peut. Bref, tu vas prévenir tes amis, Tof? Ben oui, allons-y. Allez, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. Si vous connaissez des gens qui ont tendance à s'énerver facilement, bah vous nous balancez les numéros, c'est totalement anonyme. Donc vous pouvez y aller sans problème, même votre pire ennemi, votre contrôleur fiscal, n'importe qui. On a juste besoin du numéro. Vous pouvez même créer, si vous n'avez pas confiance en nous, créer un adresse mail bidon, vous envoyez ça. Voilà. On ne saura jamais qui a donné le numéro, ni qui est la personne qu'on appelle. No malaise. Donc on y va en appel ? Allons-y. Allez, c'est parti. Moi j'avais envoyé le numéro de mon patron, toi, il ne l'a jamais appelé. Je sais pas pourquoi. Ton mec ? Non, mon patron. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir. Quand vous allez sur des sites porno, vous regardez quelle catégorie ? Comment ? Bah quand vous allez voir un film porno, vous prenez quelle catégorie ? C'est quoi la blague ? Ah, il n'y a pas de blague, madame, c'est juste une question. Ah, mais elle a raccroché, très bien. Bah, je ne sais pas ce qu'est la blague, mais en tout cas, on va la rappeler. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme. Oui, oui. Et en fait, je voulais savoir ce que vous regardez comme catégorie dans les films porno. Comme catégorie, Jackie Michel. Oui, mais c'est pas une catégorie, monsieur Jackie et Michel. Jackie et Michel, c'est un site. Mais quand vous êtes sur le site, vous prenez quoi comme vidéo? Pardon? Demande à ta femme, elle sait. Elle est avec nous dans le canapé, parce que comme ça. Ah non, j'ai pas de femme. Maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison, monsieur. Non, vous devez confondre. Dégage. Bah non, monsieur, allô? Ah, il était vénère, hein, que lui ait cassé sa vanne, là. Bah, je suis désolé. Vénère. Hein. Bon, on le rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Bah oui, c'est dommage. Bah oui, parce que du coup, vous aviez pas répondu à la question, monsieur. Ouais, ouais. Mais sinon, ça fait rire ou quoi? Bah non, monsieur, pourquoi vous voulez que ça me fasse rire? Mais tu joues à quoi? Bah moi, je joue à rien, monsieur. En fait, moi, je veux juste savoir. Oui. Allô? C'est pas facile. Oui. Oui, vous avez un téléphone de très mauvaise qualité, monsieur. Ouais, je sais, ta gueule aussi. T'as mon numéro? Oui. T'as mon nom? Non. T'as mon adresse? Non. Viens me demander chez moi. Bah, je sais pas où vous habitez, monsieur. Ah, alors ferme ta gueule et arrête de me chercher. Bah oui, monsieur, mais si vous répondiez à la question, ça irait plus vite. Ah, allô? Non, mais il a pas envie de répondre à cette question. Décidément, c'est on pas notre soir. Oh, on rappelle. Voilà, il a plus décroché, puis comme ça va être plié. Bah non. C'est mort. Bon. Bonjour. Eh ben voilà. Sur le répondeur de Michael. Ah oui, il s'appelle Michael. Très bien. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, et parfois ça rate. Hein. Ah, c'est le problème du direct. Qu'est-ce que vous voulez? Parfois ça réussit, parfois ça rate. Hein. Bon, bah, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, comme je l'ai dit, vous envoyez ça sur toph@energie.com. Puis on appellera d'autres tout à l'heure. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a Et vous êtes sur Énergie, salut salut, bon réveil, tout va bien ce matin? Oui, bon allez, en pleine forme, on attaque la journée, direction les cours, direction le taf avec Sean Paul, Big Flo et Oli, Ariana Grande et le meilleur du Rico Show, 20h-23h tous les soirs sur Énergie en direct et maintenant en mode best-of. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Ouais. On y est, Claude Alexis, une retour, oh là là. Les amis. C'est un voyant, Claude Alexis, qui voit tout et n'importe quoi, ouais. Et il n'est jamais précis. En tout cas, lorsqu'on l'a appelé pour la Coupe du Monde, ouais. On a fait un canular, on a piégé Marie-Paul, ouais. Qui à l'initial est envoyée par une voyante, Nathalie, qu'on embrasse, ouais. Et qu'on a piégé toute la semaine. On lui a tout fait faire, du chant, des oiseaux, du PQ dans les chiottes, des assiettes, elle a tout cassé. Ouais. Je la rappelle, c'est vendredi, elle sait que c'est l'anniversaire de Claude Alexis, et croyez-moi qu'elle va le tenter. C'est oh parti, là, on appelle Marie-Paul, 65 ans. C'est mardi. Hop, c'est parti, je l'appelle. Allez. Sarah, tu prends en charge. On va rapidement sur le cabinet. On y va. Hashtag Rico Show sur Énergie pour les idées. Oh putain, faut qu'elle réponde. Peut-être elle est sortie. Allô, oui. Oui, bonsoir Marie-Paul, cabinet du docteur Claude Alexis. Vous allez bien? Bonsoir. Très bien. Ça va? Oui, ça va très bien. Votre consultation va démarrer un instant. D'accord. Oui, Claude Alexis est parti. Il va revenir. Je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Claude est en attente. Ne raccroche pas. Je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Claude est en attente. Ne raccroche pas. Hey, bonjour Marie-Paul. Hey, bonjour. Et puis bon anniversaire. Marie-Paul, merci pour mon anniversaire. Pour vos 20 ans. Ah oui. Marie-Paul. Oui. Chantez-moi joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Oh, merci Marie-Paul. J'ai ressenti des choses autour de vous, hein, Marie-Paul. Des choses pas très positives. Il va falloir les sortir. Marie-Paul, est-ce que vous avez un verre d'eau? Rapidement, on y va, on prend un verre d'eau. Allez, un verre d'eau, une fourchette, je veux l'entendre. Le verre, vous tapez sur le verre d'eau, vous le signalez. Allez-y, signalez. Allez-y, on y va rapidement, Marie-Paul. Allez, on tape, allez-y. Attendez, j'ai pas mis l'eau. Allez, Marie-Paul, le verre d'eau, on tape. On tape, allez-y, faites taper. Allez-y. Marie-Paul? Oui. Allez-y, tapez sur le verre, on y va. Plus fort, Marie-Paul, plus vite. Allez-y, plus fort. Oui, Marie-Paul, oui. Oui, Marie-Paul, oui. Tapez, on tape. Avec le couvert. Allez-y, Marie-Paul, allez-y. Oui, Marie-Paul, on a fait un travail. Je vous dis à lundi, Marie-Paul. Okay. Au revoir Marie-Paul, bon week-end. Vous de l'homme qui souhaitez dans la misère. Merci Marie-Paul. C'est bon week-end. Au revoir Marie-Paul. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui. Marie-Paul, que vous retrouvez tous les soirs dans le Rico Show sur Énergie de 20h à 23h. Merci pour mon anniversaire. Merci pour vos hashtags. Bon anniversaire. Merci pour tout. Hashtag Rico Show sur Énergie. Merci à ma famille d'être venue. Merci aux équipes qui ont préparé tout ça. Il y a un gâteau en plus carré. C'est magnifique. Merci à tous les amis. Je vous aime très fort. À lundi 20h. Et n'oubliez pas l'important dans la vie. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie.

like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing strong. Océan de rose, je rase les murs de simples choses, m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien, et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi le secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Sans peur, le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Vous êtes sur Énergie, on est mardi, bon réveil tout le monde. J'espère que ça va ce matin, on va écouter Labrinthe, Saxia et Diplo, Calvin Harris et Drake aussi qui arrivent juste après le meilleur de Mickaël. C'est à 23h tout ça en direct sur Énergie, 0800 70 42 48 quand vous avez envie de lui parler en direct. En attendant, on se fait les meilleurs moments de l'émission avec Faustine, 11 ans, qui a un petit souci avec son copain. Ouais, écoutez, c'était sur Énergie semaine dernière. Il y a Faustine qui est avec nous maintenant à Ombrésil en 78. Salut Faustine. Salut. Salut. Salut. J'aime bien sa voix. Ça va? Oui. Mais t'as quel âge? J'ai 11 ans. Bah en fait demain j'ai pas école. Oui non, mais d'accord mais... Je vais faire la grasse mat. Mais tes parents sont au courant que t'écoutes là? Pas sûr. Oui. Ouais mmh. Mmh. Pas sûr hein. Bon, de toute façon, je suis pas là pour le vérifier, mais au moins, comme ça, si on les emmerde, elle m'a dit que oui. Bon. Voilà, c'est ça. Bon, Faustine, qu'est-ce qui t'amène? Bah, en fait, c'est parce que vu que bah, on parlait d'histoire et tout, bah, je voulais réécouter. Parce que l'année dernière, j'ai eu un mec, et en fait, c'est pas comment il m'a largué. Parce que il m'a largué. J'ai une fille qui a un mec à 10 piges. Mais ça va arriver, hein. Ah, bah, j'ai pas de fille déjà, donc oui, mais problème résolu. Mais, ou pas, enfin, bon. Mais je peux très mal le vivre, hein. Mais t'auras pas le choix, tu vas faire quoi? Bah je l'enferme. Mais c'est interdit. Dans sa chambre. Punition bah. Jusqu'à 18 ans. Ah mais il lui laissera de l'eau et à manger. Ah oui, attention, c'est je suis pas un connard hein. Ah ouais, elle va faire une grande carrière hein. Elle sera bête comme ses pieds, elle aura jamais rencontré non, personne. Je crois que t'allais dire elle sera bête comme son père. Ouais aussi ouais. Elle sera pas bête. Bon Faustine, et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé après? Donc un jour j'étais avec ma copine. Et là mon mec il dit à ma copine de venir. Donc pour qu'il se parle en gros. Et après donc j'attends ma copine. Et après elle revient. Elle me dit viens voir, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Donc je viens voir. Après donc il dit dis-lui, parce qu'il avait la flemme de me le dire en face, ou je sais pas, il avait pas envie. La flemme carrément. Enfin je sais pas, ou il avait juste pas envie. Et donc ma copine elle m'a dit il t'a largué pour moi. Pour moi. En gros, il m'a largué pour ma meilleure amie. Ça commence bien. Ah bah ça commence bien. C'était ton premier mec? Oh la mauvaise question. Oui. Ah bon ouf. Bah voilà, rassuré. C'est rien. Bah oui, c'est rien. De toute façon, dis-toi que t'allais pas passer ta vie avec lui, hein. Bah ouais, mais c'est pas ça le pire, c'est la trahison de sa meilleure amie, quoi. Ah, mais qu'est-ce que je. Ouais. Attends, qu'est-ce que je me tue à dire depuis des années? C'est qu'est-ce que Polo ordures. A déjà dit. Ton pire ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. Exactement, ouais. Ah bah oui, ah c'est, oui c'est vrai. Dit le contraire. Le pire, c'est que j'étais tout le temps avec mon mec, on était tout le temps ensemble, tout le temps. Même c'est tout le temps comme ça, hein. C'est le principe. Hein. Mais bon, maintenant, tu te méfieras de tes pseudo-copines et des mecs bizarres. Bah, ça va mieux qu'avant, en tout cas, mais en tout cas, bah, je parle plus trop, et puis l'autre, je parle carrément plus. Bah, t'as bien raison, Faustine, hein, mais... T'as bien raison. Tu, au moins, tu as fait le ménage dans tes amis. Voilà. Tu as tout gagné, Faustine. Le bon. Début d'une longue série, tu verras. Faustine, tu vas aller dormir, là ? Ouais. Ah, très bien, parfait. Bon, allez, faites beau rêve, Faustine. Merci. Salut à toi. Bisous. They try and kill me, they gotta make some choices. They running out of options, cause I've been going off. And they don't know when it's stopping. And when you get to top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, JT. kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? 'Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Et mardi matin sur Énergie, c'est Cédric. Salut, salut, bon réveil. Alors oui, bon, petit point météo rapidos, du soleil partout pour tout le monde aujourd'hui. Voilà, comme ça c'est fait. On se fait Armin Van Buren dans la playlist Énergie, La Brindia et Diplo, juste après le meilleur du Rico Show. 20h de nouveau ce soir en direct et maintenant en mode best-of sur Énergie. Bon réveil. Qui a peint la Joconde? Ah oh, bah c'est facile. Ouais. Picasso. Oh, c'est moi, j'ai l'alcool joyal, tu vois. Oh, joyal. Je vous donne la possibilité de faire comme moi, de s'exprimer comme on le ressent. Et à notre manière, de dire des mots à notre façon. La blanche colombe ne tape pas l'aigle. C'est ça le Rico Show. 20h, 23h sur Énergie. Yes, d'ailleurs, on va se faire l'interro surprise. On y va, JM, attention, c'est à toi, question CP. Allez, c'est parti. Quels sont les prénoms des trois neveux de Donald? Riri, Fifi, Loulou. Bonne réponse. Oh, c'est vrai. Question sur... En général, de quelle couleur est l'or? L'or, ben, il est jaune, il est couleur. Bonne réponse. Ah. CE2, comment dit-on je m'appelle JM en espagnol? Me llamo Juan Marco. Excuse-moi. Cadeau. Toi, tu sais quoi? Le seul moyen de rattraper ton blase, c'est d'être espagnol. Mais c'est ça, Juan Marco, ça passe trop bien. C'est le seul moyen que ce soit plus sexy. Ouais. Attention, les amis, on y va, on enquille. Question CM1, JM, épelle-moi correctement le mot. Adéquate. Oh là. Oh oui, c'est bon. A-D-E-Q-U-A-T. C'est ça. Mauvaise réponse. Pourquoi? Il y a E adéquate. Eh ouais. Mais non, ça dépend. Dis, mais non, mais tu m'as dit adéquate. J'ai dit adéquate. Mais oui, mais tu mets. Mais non, sur le mot là. Allez hop. Comment ça, il y a un E adéquate? Bah oui, oui, il y a un mot s'il est féminin, mais tu m'as pas dit au féminin. Allez, c'est bon, je vais. Merci beaucoup. Oh là là. Ouais, ça va. Question CM2. Ouais. Complète l'expression y croire dur comme. Facile. Sûr comme fer. Bonne réponse. Oh. Question 6e, de quelle émission provient ce générique? Attention, attention. Vas-y, JM, on y va. 5, oh là 4, là. 3. Tout le monde veut prendre sa place. Bonne réponse. Question 5e, quel est le premier homme à avoir découvert l'Amérique? Là. Christophe Colomb. Yeah. Question 4e, le mot termite est-il masculin ou féminin? Féminin. Ben non. Mais non. Thierry. C'est masculin. Thierry. Get up. Stand up. Je suis bien, je suis là, on est lancé. T'as raison. Les amis, le VTC arrive dans 5 minutes. Pariez sur Sylvain et sa classe. Il me reste 2 minutes avant la pub et d'aller dans le VTC. Le temps de terminer, Sylvain. Oh. Sylvain. Attention, question CP. Quels sont les prénoms des trois neveux de Donald? Vite. Elle a déjà dit. Comment s'appelle la meuf de Mickey? Bah, c'est l'autre, la mini. Bonne réponse. Question CE1. En général, de quelle couleur est le charbon? Bah, le charbon, il est noir, le charbon. Bonne réponse. Oui. Mais pourquoi tu m'agresses? Bah, il est noir. Question CE2. Attention, comment dit-on je m'appelle Sylvain en italien? Toi qui es italien, les origines, tout ça tombe. Il va pas Si, c'est facile. Thiago Silva. Pardon? Thiago Silva. Mais non, non. Thiago. Non, non. Thiago Silva. Et avant, il y a quand même une lettre. Ça, c'est, ça, ça veut dire appelle Sylvain, mais je m'appelle Sylvain. Bah. Vas-y, toi qui es italien, qui a fait un dîner presque parfait spécial italien. Toi qui vends ça à la solitude. Napoli. Vas-y, on y va, Napoli. T'es d'où, toi? T'es d'où? Je suis Napoli, Napoli. Alors, comment on dit? L'autre. Vas-y, vas-y, on y va. Oui, oui, oui. Vite. Ah, bah, c'est comme Thiago, donc c'est pareil. C'est Thiago, Thiago. Anapoli, c'est comme ça. Il faut y aller. Je m'appelle Sylvain. Bah, c'est ça. Thiago, Sylvain. Mais non. Bah, c'est quoi alors? C'est mort. C'est mort. Sylvain, c'est fini, mon poulet. C'était. Mais Thiago, Sylvain. Mais le mi, le jeu, tu l'as mis où le jeu? Oh la déception. C'est pareil, appelle Sylvain, c'est pareil. Attends. Pourquoi on met un jeu, ça sert à rien. Lui en Italie, dans son village, ils sont nus. C'est comme la préhistoire. Qui a mon Sylvain? Non, oui. Pasta, pasta, lui parle italien comme ça. Pasta, pisto. C'est ça, chez nous, c'est comme ça. Dégage la tagliatelle, là. Du balai. C'est du patois carton. Chez nous, c'est pour ça. C'est du patois. Ben oui. C'est vrai. Tu comprends, ça va fond de couleur. Ouais, c'est bon. Allez, c'est le Rico Show sur Énergie. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Right.

Vas-y. Johnny pour Laura. Ouais. Ah oui. Ah, eh oui, eh oui, eh oui. J'étais parti de l'autre côté, moi, dans le coin. C'était pour Laura. Elle était belle, ouais. Cette chanson. Oui. Hein. C'est bon. Maintenant, c'est plus. Mais bon, ça, c'est. Non. Elle est dure, celle-là. Elle est dure, qui celle-là. A fait ça? Qui a pu sur ça? C'est le Gitane, c'est le Gitane. Ah, elle est dure, celle-là. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, cause it's yeah, yeah. Sometimes I feel like

maintenant sur Énergie. Un des 5 titres de la playlist Suprême Énergie. 50 000 euros. À gagner à tout moment avec la playlist Suprême Énergie. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Mardi matin sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, on est le 11 septembre, j'espère que vous allez passer une belle journée, quoi que nous ça devrait le faire, on se fait la playlist Énergie, Gims qui arrive, Clean Bandit avec Demi Lovato, et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie, et les infos de Glandu, c'était hier matin, écoutez. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Voici comme chaque jour les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On connaît tous les fontaines à eau, les grosses bonbonnes là. Oui, absolument. Oui. Dans les entreprises, une fontaine à eau, c'est bien pratique, ça permet d'avoir de l'eau gratuite. Merci, de l'eau, Manu. De l'eau fraîche. Eh bien, figure-toi, Manu, qu'en Italie, il existe un nouveau type de fontaine, une fontaine gratuite et illimitée de vin. Voilà. Ah, dans une entreprise ? Elle sert du vin. Non, non, c'est pas dans une entreprise. Ah. Non, je te rassure. C'est dans la ville d'Ortana, en fait. C'est sur la côte est italienne. Et elle distribue du vin 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et pourquoi, en fait ? Parce qu'elle se trouve sur un chemin de pèlerinage. Donc, en fait, tu vas à pied pendant 310 km de chemin. Oh. Tu arrives dans cette ville. Et donc, c'est des prêtres qui l'ont installé là. Ils disent que c'est un endroit où réfléchir et prier. C'est un espace de détente et de repos pour les pèlerins. Oui, enfin, tu t'arrêtes, tu picoles du vin à la fontaine gratos. Ouais. Au niveau de ta réflexion et de prière. C'est un peu ça. Et dis non Jésus. C'est compliqué quand même. Ça doit être de la piquette. Hein. Ah non, mais c'est pas du tout. C'est les vignerons de la région qui se sont rassemblés et qui non, c'est du bon vin. Ah ouais. Et le taux de religieux a augmenté de 2000%. Une énorme église de 700 000 personnes. Tu as un Paulette avec des bidons là-bas. N'importe quoi. Une autre info ? Oui, une info animaux. Les hamsters sont myopes et daltoniens.

so long. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, on est mardi, on se fait l'horoscope. Énergie, l'horoscope. Oui, avec les béliers, vous êtes un des favoris du jour. Profitez-en, les taureaux, retroussez vos manches pour avoir de vrais résultats. Les gémeaux, votre concentration est nécessaire. Les cancers, restez surtout patients. Les lions, la chance vous rend visite. Les vierges, une bonne nouvelle vous parvient. Les balances, vous êtes au bon endroit au bon moment. Les scorpions, aujourd'hui vous pourriez faire une excellente affaire. Les sagittaires, préférez l'après-midi pour tenter votre chance. Quant aux capricornes, ce soir, essayez de vous détendre. Les verseaux, vous êtes demandés de tous les côtés. Et les poissons, une proposition ne passera pas deux fois. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Jane dans la playlist Énergie, puis le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Vous avez 50 000 raisons d'écouter Énergie en septembre. Et vous avez une chance de gagner 50 000 euros. Avec la playlist Suprême Énergie. La playlist Suprême Énergie, c'est Jane. Diva Phone. Alvaro Soler. Eddie De Preto. Mais moi, je joue avec les filles. David Guetta. Vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle Mini Trop 5 portes. Projecteur full LED pour un style à l'épreuve de tous les regards. Mini Connected avec conciergerie pour découvrir la meilleure brasserie de la ville. GPS avec infotrafic en temps réel pour prendre de l'avance sur tous vos rendez-vous. Nouveau design, nouvelle technologie embarquée, nouvelle tendance, nouvelle Mini 3 ou 5 portes, à partir de 230 euros par mois sans apport. Méné. Offre pour une Mini H3 porte 75 chevaux, 36 mois sans apport, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur mini.fr. Des monuments français à sauver, des millions d'euros à gagner. Ce vendredi, Super Loto Mission Patrimoine, avec jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous êtes chef d'entreprise, directeur marketing ou de communication? Vous lancez une marque? Vous voulez vous faire connaître et booster vos ventes? La station Énergie est partenaire de vos succès. Nos équipes publicités sont à votre disposition au 01 40 71 40 71 ou à l'adresse pub@energie.com. À très bientôt sur Énergie. Chérie, avant de faire les papiers de la voiture avec le monsieur, on peut essayer un truc? Bah si tu veux, ouais. Ah bah ok, allez-y. But à la 90e minute. Ok, c'est bon, on la prend. Pas de problème.

ship waiting for you. For a minute you can use my love. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut salut. J'espère que tout va bien là, ce mardi matin, que vous avez tous bien dormi. Bon, c'est une playlist Énergie, bah, à la cool là ce matin avec tous vos hits préférés. Il y aura pour la suite Calvin Harris, ensuite Kenji et Maroon 5. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Et vous avez un chéri? Oui, il fait des choses insupportables? Oui, eh bah écoutez, on en a parlé sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai trouvé sur le forum de auféminin.com. Mm-hmm. Oui, parce que j'ai décidé d'essayer de vous comprendre. Ah, c'est bien. En fait, il y a eu cette question sur le forum. Quelle est la chose la plus insupportable que fait votre partenaire? Ouais. Et je trouve que c'est un très bon sujet. Ouais. Et je pense qu'il est, il serait le bon aloi d'en parler ensemble. De bon aloi. De bon aloi. Alors, dans les réponses, il y avait « Ma copine commente tout ce qu'elle mange. Genre, alors là, je trempe ça dans ça. Maintenant, la viande. Ah non, j'ai pris un trop gros bout. Je le recoupe. Je... » Ah, ouais. Ah, ah oui, ça, c'est pas, c'est pas ah, terrible. Ça. Non, ça peut être fatigant. Ouais. Ça dépend quel âge elle a, tu vois. Parce que moi, je sais que ma grand-mère, elle commente tout, mais c'est trop mignon. Bon, je pense pas qu'un mec de 80 ans va sur auféminin.com pour raconter sa vie de couple. Hein, honnêtement. Un autre, dans les choses insupportables que fait son partenaire, « Mon copain se réveille tous les matins dans le même lit que moi avec cette sonnerie en guise de réveil. » Le Roi Lion. C'est génial. Tous les matins, systématiquement. Ouais. Imagine, il n'y a pas un matin où tu ne travailles pas sans ça. Ouais. Pitié Manu, arrête. Bon, tant qu'il ne se met pas à rugir, à faire le lion et tout, ouais. Ça passe. Ouais, mais enfin, tous les matins. Ouais, c'est ouais. Ça. Non, c'est vrai. Relou. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les lions, tu peux plus les cadrer. Ouais. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, il fait snooze 18 fois sur son... Après, c'est bien compliqué. Alors, quoi. Mon conseil, si jamais tu nous écoutes, toi qui as mis ce message, venge-toi et toi pour ton réveil, mets ça. Libéré. Oh, le battle. Oh, les voisins, quoi. Quelle est la chose insupportable que fait votre mec, votre nana, votre partenaire? Et si bah, vous n'êtes pas en couple, votre ex. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait qui est vraiment insupportable pour vous? Ça, c'est un bon sujet. Mmh. 0870-42-48, vous pouvez nous appeler. Isabelle? Alors, il joue de la mandoline, tu vois, tranquille sur le canapé. Tu sais quoi? Ça suffit déjà. Ah ouais. Quelle est la chose insupportable que vous fumez votre mec? Il joue de la mandoline. Mais non, vas-y, c'est hyper beau la mandoline. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il fait ça alors qu'il y a encore le petit-déj sur la table et que donc il ne débarrasse pas. Et surtout, le truc qui me rend ouf, il laisse le beurre dehors. Le beurre du petit-déj. Mais je pourrais le zigouiller, quoi, vraiment, tu vois. Alors non, ça ne se fait pas. Je m'adresse, je m'adresse à ton mari s'il nous écoute. Ouais. Fuis. Elle veut te zigouiller. Paulette, quelle est la chose la plus insupportable que du coup faisait ton ex? Ouais, mon ex, il recevait très souvent les gens chez nous en slip. Et j'étais extrêmement gênée par cette chose. Et je vais insister très longtemps pour qu'il mette un pantalon ou un short, du moins. Oui, bah en oui. Slip. Ouais. Ah, en slip. Il me disait, bah, je suis chez moi. Et alors ah oui, d'accord. C'est marrant parce que ce qui serait intéressant, c'est de faire une coloc avec vos deux couples. Ouais. Que t'as Paulette et Isabelle qui gueulent, et t'as l'autre qui fait de la mandoline, et l'autre qui le regarde et qui se gratte les yeux en slip. Belle image. Image terrible. On a Elora avec nous au téléphone. Bienvenue, Elora. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. Qu'est-ce que fait ton copain qui est insupportable pour toi? Alors moi, ce qui est insupportable, c'est qu'il pose ses affaires en boule, juste à côté du panier à linge, jusqu'à m'en faire une montagne, alors qu'il suffirait juste d'ouvrir le couvercle du panier à linge. Ouais. Oh là là. J'avoue que je fais partie de l'équipe boule. Oh non, ah ouais, mais ça me changerait la vie à moi et pourtant ça change rien pour lui. Mais bah ouais, oui. Mais c'est une question de, je sais pas, une question de flemme, je sais pas. Si je peux me permettre, après on va sortir les vêtements pour les trier, pour ne pas mettre les couleurs, mélanger avec le blanc, etc. Lui, il le fait directement. Ah, il non. le met dans le panier, mais comme ça, son bijou direct. Ouais. Et puis quand c'est à côté, on se rend plus compte de la quantité. Voilà. Dans le panier, on perd toute notion. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais non, il a raison, Glandu, parce qu'il y a un moment, tu te rends pas compte, tu dis, je vais faire une petite machine, tu ouvres et tu fais, oh mon dieu. Ouais, exactement. Tout ça ouais. Alors que là, tu le sais. Parfois, je me demande, vous pensez vraiment ce que vous dites ou pas? Alors, la vérité? Ouais. Absolument pas. Voilà, c'est ça. Oh, moi, je pense qu'il y en a certains qui le pensent. Hein. Aucun ne le pense, mais on s'avouera jamais vaincu. Ouais. On continuera à faire notre boule de linge. Merci, Laura, de nous avoir appelé. Florian, bonjour. Salut, Manu. Salut, les ouin-ouin. Salut. Florian, quelle est la chose insupportable de ton partenaire? Eh ben en fait c'est mon copain, il est espagnol et en fait quand on s'engueule, il me parle en espagnol, ça me fout hors de moi parce que je comprends rien. Ah oui. Ah oui. Alors et tu veux que je t'énerve encore plus, Florian? Vas-y. Il le fait exprès. Mais c'est sûr. Ouais, ouais. Évidemment, parce qu'il le sait. Tu sais quand tu t'énerves et que tu vas dire un truc que l'autre il comprend pas, ouais. Et tu montes d'un cran évidemment dans l'énervement parce que ah tu vois je t'ai insulté mais tu sais pas comment. Non, il y aura ça quand il rentrera. Peut-être qu'il s'excuse et qu'il dit des mots d'amour en espagnol après. Mais oui, mais c'est oui. Jamais. Je crois pas. Quand t'as le mot puta dans la phrase, c'est que c'est tu t'excuses pas. Hein. Des 6 heures. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie

mind. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. Avant 6h du mat, on se fait vite à Slimane, derrière retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Vous pouvez l'appeler en direct pour lui parler tout à l'heure, 0870 42 48. En attendant, c'est le meilleur de l'émission. Et hier matin, on a parlé des petites bizarreries sur Énergie, on se refait ça. Manu dans 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Ma question est très simple, quelle est votre petite bizarrerie? Votre petit truc où vous pouvez vous dire, oh oh, je suis un peu bizarre, est-ce que les gens font ça aussi? Quelle est votre petite bizarrerie? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai trouvé ça sur un forum de discussion sur internet. Ah ouais. Parce que moi aussi le week-end je glande. Et c'était sur les petites bizarreries que les gens ont en fait dans la vie quotidienne. Mais genre ouais. Quoi? Genre je ne peux pas m'asseoir sur une chaise chaude où quelqu'un s'est assis. Ah ouais. Quelqu'un s'est assis, c'est chaud, je peux pas. Mais c'est pareil, moi si je connais la personne qui était là avant, ça va. Mais si c'est un inconnu, j'aime pas, je sais pas pourquoi. Non, mais, oui, mais je vois le truc, c'est gênant. T'as l'impression de te coller à la personne un peu. Ça, ah, moi je trouve que c'est un plaisir, c'est un peu comme un petit câlin, mais des fesses. Ah non. La tristesse du câlin, t'en es là quoi. Ouais. Pauline, ton dernier câlin. Oh, je me suis assis sur une chaise où quelqu'un s'était assis avant. Non, merde. Dans les petites bizarreries qu'ont les gens dans la vie quotidienne, il y a je dois associer mes sous-vêtements à ma chemise. Je refuse d'acheter le premier article sur l'étagère d'un magasin, ça doit être le deuxième article à chaque fois. Je le fais. Mais alors je fais pas le deuxième, je fais le troisième. Ah, c'est pas bien. Ah, bon, alors, mais non, c'est pas bien. Regarde, t'es dans le supermarché, t'as le rayon par exemple, t'as du pain de mie. Je prends pas le premier. Je ne prends pas le deuxième parce que je me dis que justement c'est ce à quoi ils s'attendent. Ouais. Et je prends le troisième derrière, voire le quatrième. Mais quand tu dis c'est ce à quoi ils s'attendent, qui? Qui? On sait très bien qui. Vous verrez quand ils nous auront envahis, qu'ils viendront de la planète. T'es du genre à quand tu fais ça, regarder la caméra de surveillance. Complètement. Dans les petites bizarreries qu'ont les gens dans la vie quotidienne, il y a aussi je n'aime pas que quelqu'un se brosse les dents devant moi. Ça me gêne pas. Ça. Ouais, si ça bave un peu et tout, ça mousse, moi non plus. Je pense pas ça. Alors si ça bave et ça mousse, c'est que le mec fait une crise d'épilepsie. Hein. Et là, faut l'aider. Faut pas dire. Écoute, moi ça me dégoûte, je me barre. Non, faut l'aider. Et un petit dernier, une bizarrerie que des gens dans la vie quotidienne. Quand je vais à la piscine, je commence par retenir mon souffle sous l'eau pour voir si le maître nageur sauveteur fait attention. La réponse est non. Ah non. Je l'ai déjà fait ça. Ah non. Oui, t'es dans une piscine, tu te mets sous l'eau et tu regardes pour voir si, genre, tu fais comme si tu noyais un peu et tu vois si le maître nageur il te regarde. Et là il te connaît, il se dit c'est encore Manu qui fait semblant de se noyer. Oui. C'est je lourd. Sais pas. Ne faites pas ça trop longtemps. Non. Oui. Ça, Quelle est votre petite bizarrerie dans la vie quotidienne? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Isabelle? Moi, quand je poste une lettre, je mets mes doigts dans la fente de la boîte aux lettres pour vérifier que ma lettre est bien tombée au fond. Oula. Je fais tout le temps ça. Ah, des fois que quelqu'un veuille la récupérer pour ne pas l'envoyer récupérer le timbre. Mais en fait, je comprends pas parce que au fond de moi, je sais qu'elle est bien tombée au fond, mais je peux pas m'empêcher de mettre les petits doigts dans la fente. Ouais. Et t'as pas peur de te coincer? Non. Ouais. Oh là là. Moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc dans la boîte aux lettres. Mais si je mets les doigts et crac, je me fais, tu vois, croquer, on sait jamais. T'as peur quoi? Qu'il y ait le monstre de la boîte aux lettres? Mais c'est bizarre. Mais il paraît qu'il y a des gens qui se sont fait happer par des boîtes aux lettres. Mais ils ne sont pas là pour en parler, puisqu'ils se sont fait happer. Ah ouais. Tapez disparition boîte aux lettres sur Google. Je le fais, Manu. Mais non. On a Mélanie avec nous au téléphone. Bonjour Mélanie. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie Mélanie. Quelle est ta petite bizarrerie? Alors moi j'adore les crevettes, mais je les décortique avec des couverts. Alors tout le monde me trouve très bizarre. Ah, t'arrives à décortiquer une crevette avec des couverts? Ah ouais, je peux pas les toucher. Mets beaucoup de temps quand même, non? Non, ça va, c'est une habitude. Ah d'accord. Non, moi j'aime bien parce que souvent tu mets un peu plus de temps, du coup ça nous en fait plus. Parce que nous on continue à servir pour l'instant. Quoi. Ah, ça c'est pas dit. On commence le dessert, Mélanie. Hein. Oui, je décortique ma crevette. Merci de nous avoir appelé, Mélanie. On t'embrasse fort. On te souhaite une belle journée, une belle semaine. Nico. Ouais, moi je fais un truc un peu bizarre, c'est quand je suis dans un parking seul la nuit, je tousse très fort et je fais des grands pas, tu vois, pour faire peur au cas où il y a des méchants. Je mais me alors, dis au moins ouais. Il voit, je suis là quoi. C'est, tu vois, j'impose. C'est vrai que souvent les méchants dans les parkings, ils ont peur quand ils entendent du bruit. Ouais. c'est au contraire, c'est peut-être non. Ça leur dit, il y a un gros relou là qui est là. Enfin bon, tu fais ce que tu veux. Jusqu'à maintenant, ça marche. Ouais, ça marche. Bah voilà. Mathieu, bonjour. Ouais, bonjour. Salut Manu. Salut Romain. Bienvenue sur Énergie, Mathieu. Merci. Quelle est ta petite bizarrerie? Ben moi, ma petite bizarrerie, c'est quand j'arrive au péage de l'autoroute là, à la machine, et que la machine me donne mon ticket, je dis toujours merci et bonne journée. Et forcément, je n'ai jamais de réponse. Ah oui. Ah ouais. Tu veux dire que la machine te répond pas quand tu lui dis merci et bonne journée? Exactement. C'est inadmissible. Extrêmement impoli. Ah ouais, c'est pas cool. Ah oui, non, c'est pas cool ça. C'est si elle te répond, c'est que t'as bu, et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on. C'est vrai. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. To explain, I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see them spread eagle. Took a beer to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black beetle's got the bass belly rolling. She thinks she love me. Like strippers in their real clothes. A broke, only point me to a rich hoe. A yellow, green hair, real weirdo. Black Beetle club clothes when I say so. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Sur Énergie, 5h55, nous sommes mardi, c'est le 11 septembre. Ouais. Hey, c'est le week-end. Ah, yeah. Ah ouais. Wow. Écoutez, c'est la 8e saison sur Énergie, c'est la 8e année. D'année en année, on essaie de grappiller un peu sur le week-end. Là. Le week-end, c'est l'année où ça commence le mardi. Ça y est. Ah. Donc bon week-end à vous. Bon week-end. On se retrouve lundi prochain. Ouais. Soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre dans 5 minutes comme chaque jour. C'est Manu dans le 6-9, mais avant ça, comme chaque jour aussi, c'est le club du 5-5-5. Oui. Ouais. Chaque jour, on s'écoute un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter dans l'émission. Ouais. Ça me fait plaisir de l'écouter et je pense que ça va vous faire plaisir de l'écouter. Et celui-là, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas écouté. Ah. Il fut une époque, on l'écoutait tous les jours. Ah bon ? Oui. Merci papy, Manu. De rien. Mais cette époque est terminée. Je vous parle d'une époque lointaine. Wow. Il y a 3-4 ans. Ah oui. Oui. Et depuis, pouf, on le diffuse plus. Mais papy Manu l'a retrouvé. Papy Manu va le faire écouter. Génial. Indila. Ah, ah oui. Ah ouais. SOS. Oh, t'as ressorti c'est cool, ça. Hein. J'ai ressorti ça. Wow. C'est un SOS. Ok, on l'écoute. Ouais. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. C'est un tu vois, pareil. C'est un SOS. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas pareil exactement, parce qu'elle fait une petite faute. Elle ne fait pas la liaison, si vous remarquez bien. C'est un SOS. Elle dit c'est un SOS. Écoutez, écoutez. C'est un SOS. Alors, il dit là, non, c'est la rentrée. C'est la rentrée des classes. Ça fait 2 semaines qu'on est rentré, il dit là. Alors, c'est un peu tard pour lui faire réenregistrer, par contre. Ah oui, mais on va quand même vous savez quoi ? On va se débrouiller et j'aimerais bien, si c'est possible, faire revenir Indila pour qu'elle nous fasse la liaison correcte. Non. Si c'est possible. Non, c'est la rentrée, donnons pas de mauvais exemples à nos enfants. Ouais. On dit bien, c'est un SOS, c'est évidemment. Vrai. Voilà. Ouais. Je vais chez le coiffeur. Ouais. Voilà. On écoute Indila qu'on embrasse. C'est un. Le vide et le froid, j'aimerais revenir. j'écris.